Chapitre 7e. C'est au Gabon que s'est arrêtée l'invasion des Chekani ou Boulou, tribu autrefois redoutable, s'il faut en croire les Mpongwe qui les craignent encore tout en les méprisant. Pour ces raffinés de civilisation, fiers de leur relation avec les Blancs, le Boulou, l'homme des bois, est en effet un sauvage avec lequel ils ne frayent pas volontiers, et surtout avec lequel ils ne se mésallient que dans un pur intérêt de spéculation. En cela, ils font preuve de goût. Le Boulou, sans être extrêmement noir, l'est plus que le Mpongwe. Sa peau est rude et terreuse. La saillie de sa mâchoire est plus marquée. Sa physionomie n'exprime souvent que l'abrutissement. En général, il est franchement laid. Il a conservé de ses récentes migrations des goûts nomades bien prononcés. L'exiguïté de son mobilier, le peu d'importance de ses cultures, lui rendent le déplacement facile et peu coûteux. D'ailleurs, s'il est vagabond, c'est qu'il aime la maraude. Il vole le Gabonais qui a peur de lui, ne se plaint pas, mais en vrai marchand qu'il est, tâche de lier une affaire avec son voleur et se rattrape sur la fourniture. Les cases des Boulous sont petites, mal bâties, incommodes et surtout malpropres comme le propriétaire lui-même. Comment vit celui-ci? On ne se l'explique pas trop. Le Mpongwe, avec ses cultures restreintes mais assez bien entendues, avec les ressources de la pêche, se soustrait à peine à la famine. Le Boulou doit être encore plus embarrassé. Il est vrai que, vivant constamment au milieu des bois, il s'est mis en exploiter les ressources et passe pour habile chasseur. Puis ses goûts ne sont pas délicats. J'ai rapporté au musée colonial un échantillon d'une huile avec laquelle il prépare ses aliments et dont la provenance impure soulèverait de dégoût l'estomac le moins rebelle. On l'obtient en faisant bouillir à pleine marmite un gros termite à la tête noire, au corps bleuâtre et mou, dont l'aspect rappelle assez la croustille du chien. Cette huile est d'ailleurs limpide, d'une belle couleur opaline et n'a pas un goût désagréable, ainsi que je m'en suis assuré avant de connaître, il est vrai, sa dégoûtante origine. La vie solitaire et retirée que le Boulou mène souvent au milieu des bois a jeté sur toute sa race une sorte de prestige mystérieux. Comme les vieux charbonniers de nos forêts, il est quelque peu médecin et tout à fait sorcier. La forêt n'a pas de secret pour lui. Il sait y trouver des médicaments utiles et plus facilement encore de dangereux poisons. Il est grand féticheur en un mot. C'est sur le bord des rivières qu'il faut aller chercher les bakalai ou akalai, les gens les plus rapprochés de nos comptoirs après les Boulous. Voyage peu récréatif d'ailleurs, tant qu'on n'a pas franchi la zone d'alluvion vaseuse où les eaux de la mer se mélangent aux eaux douces. Cette région est celle du palétuvier et rien que du palétuvier, car la base est le royaume exclusif de cet arbre singulier. Il l'envahit par les 1000 racines en arcade qui partent de sa tige, par celles qui descendent de ses branches comme une longue chevelure, par ses innombrables fruits qui, avant de se détacher, poussent une grosse racine, puis tombent à l'eau par milliers, et si maintenant debout comme des aéromètres, lestés qu'ils sont par le poids de leurs racines, s'en vont avec le courant prendre possession des bancs de vase qu'ils rencontrent sur leur route. Cet arbre envahisseur dresse sur les bords des rivières d'impénétrables murailles d'une verdure grisâtre, d'autant plus triste que rien ne vient rompre sa fatigante monotonie, car dans toute cette zone, la nature semble inanimée. À peine y aperçoit-on quelques jolis martins pêcheurs. Parfois, un perroquet ou un tourraco lance un cri rauque et désagréable. Ou bien un foliotocol, perché au plus haut d'un arbre, trahit sa présence dans la saison des amours par quelques notes aiguës. Mais caché au milieu du feuillage, il soustrait aux yeux son riche plumage vert et ses reflets métalliques d'une incomparable beauté. Ces manifestations de la vie ne troublent qu'à de rares intervalles le sommeil de ces solitudes. Cette stagnation de la nature au milieu d'une végétation vigoureuse a quelque chose d'inattendu qui produit une pénible impression. On sent que cette région plantureuse, mais d'où la vie animale est absente, n'est pas faite pour l'homme, et il n'en est pas en effet qu'il lui soit plus mortel. Tout à l'heure, ces eaux à demi stagnantes, aspirées par le reflux de la mer, vont mettre à découvert des bancs de vase inabordables. Les racines des palétuviers vont sortir de l'eau à demi pourrie, couvertes d'huîtres et de moules fangeuses, au milieu desquelles courent avec une singulière pétulance une multitude de petits crabes noirs, qu'on prendrait pour des araignées mygales. Toute cette vaste nappe de vase va dégager des gaz sulfidriques qui étaient retenus dans son intérieur par la pression de l'eau et qui viennent maintenant éclater à la surface comme des bulles de savon en répandant une odeur pestilentielle. Pendant la nuit se joint à ces effluves fébrigènes une humidité pénétrante qui saisit et fait frissonner, tandis que des milliers de moustiques s'emparent de l'atmosphère et se ruent sur leur proie. Cette région n'est pas faite pour l'Européen. L'indigène lui-même n'y vit pas sans faire connaissance avec la fièvre. À mesure qu'on s'avance dans l'intérieur, la nature change d'aspect. L'horizon s'élargit et la végétation devient plus variée. Des arbres qui, ainsi que la guirigui, semblent un compromis entre les formes bizarres du palétuvier et la végétation ordinaire, ménagent parfois la transition. Puis apparaissent une immense quantité d'animbas, un grand palmier dont le fruit sec et peu huileux est une médiocre ressource culinaire pour l'indigène, mais qui lui fournit en revanche des planches toutes faites pour construire sa maison et des tuiles d'un apprêt facile pour la couvrir. Ces planches sont les branches mêmes de l'enimba, ou, pour parler plus correctement, les nervures de ses feuilles, longues de 5 ou 6 mètres, épaisses, étroites, planent sur une de leurs faces et d'une rectitude irréprochable. Si bien qu'on n'a qu'à les débarrasser de leurs folioles pour en faire des planches d'un emploi parfaitement commode. Quant aux tuiles, ce sont les folioles elles-mêmes, disposées les unes à côté des autres et cousues avec des baguettes de bois. Disons en passant qu'à proprement parler, une case gabonaise ne se bâtit pas, mais se coud pièce à pièce, sans clou ni marteau. Le fil qui sert à cet usage est une longue liane, souple et tenace, l'ojono, qui appartient elle aussi à l'inépuisable famille des palmiers. C'est une espèce de rotan fort désagréable à rencontrer dans les bois, car il est armé de crochets recourbés, rangés par paires de chaque côté de la tige, comme les pattes d'une ancre, et qui, lorsqu'ils atteignent un passant, lâchent difficilement leur proie. On rencontre les premiers villages des Bakalai au milieu de ces enimbas qu'ils exploitent et vendent aux Gabonais. C'est, avec le bois de santal et l'ébène, leur principal commerce. Cette race est peu nombreuse, avant-garde arrêtée dans sa marche, d'une grande tribu qui habite sur les bords de l'Ogowai. Elle rétrograde aujourd'hui sous la pression des Paouins qui s'infiltrent au milieu d'elle. Ce n'est pas une perte. Les Bakalai, qui semblent participer des boulots par la laideur, paraissent avoir aussi leurs défauts. Ils ont les mêmes goûts nomades et aussi peu de respect pour la propriété d'autrui. Mais ils sont plus industrieux, car ils fabriquent des tissus en fibre végétale d'une bonne confection, plus solide et plus durable assurément, et pourtant moins prisés que la plupart des cotonnades européennes dont ils font leur pagne. Ils ont aussi, plus que leurs voisins, le sentiment de la musique et font plusieurs instruments qui tiennent, les uns de la harpe, les autres de la guitare. Ne quittons pas les forêts des Boulou et des Bakalai sans mentionner les hôtes qui les habitent avec eux. Ces hôtes sont rares et le chasseur y trouve peu de ressources, mais le naturaliste est moins à plaindre, surtout s'il veut se rabattre sur le monde des infiniment petits. La meilleure aubaine qui puisse favoriser un chasseur, c'est la rencontre de quelques antilopes. Il en existe 5 ou 6 espèces, depuis le gracieux animal qui atteint à peine la taille d'un lièvre, jusqu'au bongo zébré de blanc qui est aussi grand qu'un daim et dont j'ai donné un beau spécimen à l'exposition coloniale. C'est le Tragelaphus albo virgatus de Duchaillu, l'antilope zébrée de M. Gervais. Sur les coteaux élevés du fond de la baie, on rencontre quelquefois un buffle sauvage, le niaré, et plus rarement le sanglier à front blanc, dont j'ai pourtant vu un individu à l'état domestique. Un museau verruqueux, des yeux entourés de longues soies, de longues oreilles terminées par des pinceaux de poils, donne à cet animal une physionomie vraiment originale. Une sorte de paresseux, le Perodictitus poto, nommé dans le pays Kanda, un grimpeur nocturne, le Yuko, sont aussi très curieux mais difficiles à atteindre. Aussi sont-ils rares dans les collections de l'Europe. Le pangolin, la civette, le rapalmiste, le fourmilier, le daman, sont avec la panthère et diverses espèces de singes les principaux représentants de l'ordre des mammifères. L'éléphant et le gorille, le plus grand des quadrumanes, ne se trouvent guère aujourd'hui que dans les forêts lointaines où vivent les Paouins. La panthère n'est pas non plus bien commune. D'après le témoignage de M. Vignon, elle suit quelquefois les gens qui traversent les forêts, rôde autour d'eux, mais les attaque rarement. Les serpents sont plus dangereux. Ils sont plus communs et tous très venimeux, à l'exception du grand boa python, que sa taille suffit d'ailleurs à rendre redoutable. Ils viennent assez souvent rôder autour des cases pour y attraper quelques volailles, et poursuivent même les rats jusque parmi les feuilles des toitures. Le plus remarquable est l'Echnina gabonica, grosse vipère à courte corne et sans queue, qui atteint parfois 2 mètres de longueur dont les écailles de couleurs variées forment de grands losages d'une régularité singulière et vraiment élégante. À côté de ces dangereux animaux, il n'est pas hors de propos de placer la fourmi, le fléau, la peste des pays chauds. Depuis la petite bête familière et presque microscopique, dont une république tout entière se loge dans la fissure d'une table, jusqu'à la grosse fourmi rousse qui hante les forêts et se fait redouter des plus grands animaux, on en rencontre de 20 espèces différentes. Les unes vivent au milieu de nous, habitent nos maisons, s'installent en maître à bord des navires et rendent quelques services en échange de leurs incessantes déprédations, comme les chiens errants de Constantinople, auxquels la police turque abandonne sagement le service de la voirie qu'elle ne ferait pas aussi bien, et débarrasse de toute immondice la maison qu'elles ont adoptée. Elles ne sont qu'incommodes. D'autres ont la serpe plus cruelle. L'une des plus singulières est une grande espèce blonde au corselet allongé qui fait son nid sur les arbres. Elle rapproche à grand renfort de filaments les bouquets de feuilles qui terminent les branches en forme des poches assez bien closes et y établit sa couvée. Sur quelques arbres, on compte ses nids par milliers. Rien n'égale la bravoure de leur propriétaire. À la moindre agression, elles sortent à la hâte et sans hésiter font tête à l'ennemi. Une autre est plus remarquable encore, c'est une grosse fourmi rousse que l'on voit souvent défiler dans l'herbe ou à travers les sentiers, marchant en colonne serrée et suivant un ordre tout particulier. Une partie s'entasse sur deux rangées, les pattes si bien enchevêtrées les unes dans les autres que du bout d'un bâton on en soulève de véritables pelotes. Elles forment ainsi de longues murailles parallèles, hautes de 3 ou 4 centimètres et écartées d'autant. Entre ces deux murailles, comme entre deux berges élevées, coule une véritable rivière de fourmis emportant des provisions ou des larves qui proviennent peut-être du pillage d'une république ennemie. Au milieu des travailleuses circulent en tout sens des mâles à grosse tête, libres de tout fardeau et chargés de régler et d'accélérer le défilé. La bizarre disproportion de leur tête et de leur corselet rappelle tout à fait ces caricatures où l'on voit une tête colossale surmonter les épaules d'un personnage microscopique. Armés de pinces vigoureuses, ils font la police de la colonne et veillent à sa sûreté. Sur les flancs, en dehors de la double muraille, ils battent l'estrade, ramènent les fugitifs, rallient les traînards et courent sus à tout agresseur. Sous ce rapport, ils n'ont pas beaucoup à faire, car il y a peu d'animaux et peu de gens disposés à les inquiéter. Les nègres, auxquels la chaussure est inconnue, n'en gardent de les fouler du pied. Ils ont même pour respecter ces fourmis voyageuses un motif bien autrement sérieux que la crainte de leur morsure. Je me promenais un jour avec un chef, quand nous rencontrâmes une de ces armées boraces qui traversait le sentier. Au moment de la franchir, mon compagnon s'arrêta. À l'accueillir une feuille à l'arbre le plus voisin, la posa délicatement dans le courant et passa. Flairant quelques mystères, je lui demandai ce que signifiait ce singulier péage. « Ma femme est grosse, » me répondit-il, « c'est pour qu'il ne lui arrive pas malheur pendant ses couches. » À cette singulière révélation, je ne pus garder mon sérieux. Mon homme en fut blessé et me dit d'un ton d'humeur que j'avais tort de me moquer de lui, qu'après tout, si nous autres blancs, nous n'avions pas peur des fourmis, nous n'avions pas grand mérite à cela puisque nous n'amenions jamais nos femmes au Gabon. Il faut convenir que l'argument était péremptoire. Parfois, une de ces armées envahit une case et n'abandonne la place qu'après en avoir fait un nettoyage complet. Cancrelats, scorpions, sans-pieds, vermines de toute espèce, tout est dévoré en un clin d'œil, tout ce qui a vécu, de la vie animale du moins, car les substances végétales n'ont rien à craindre de ces invasions. Elles ont leur ennemi particulier et qui n'est pas moins dangereux, c'est le termite. Si le termite et la fourmi se liguaient contre un village, en quelques jours tout aurait disparu. Heureusement, il n'est pas de plus mortels ennemis. Comme la fourmi, le termite est ici une race féconde en variété. Le plus nuisible est celui qui, acclimaté en Europe, a menacé de destruction les digues de la Hollande et qui mine encore en silence quelques maisons de La Rochelle et de Rochefort. Travail mystérieux dont M. de Quatrefages et M. Michelet ont donné de si intéressants récits. Un autre bâtit de véritables monticules de 2 ou 3 mètres d'élévation creusés d'une multitude de cellules, œuvre plus gigantesque, proportionnellement à la taille de l'ouvrier, que la construction des pyramides de l'Égypte. Une troisième, construite dans les arbres de grands nids globuleux composés de particules de terre et de bois agglutinés. Un autre enfin élève sur le sol de gros cylindres de 50 centimètres de hauteur surmontés d'un large chapiteau dentelé. On dirait un énorme champignon cellule à l'intérieur. L'espace me manque pour parler des araignées aux couleurs variées, des mantes, du siphocrane, qui semble un insecte de fantaisie fabriqué avec des baguettes de bois mort, et d'autres animaux qui composent la faune peu riche peut-être, mais réellement curieuse de la région gabonaise.